autre truc qui me branche aussi, c'est la musique avec des potes. Eh bien oui, on écoute depuis quelques instants sur le 96.2 Monsieur Lune. Ça lui tenait à cœur, Monsieur Lune. Eh bien, c'est enfin là un album de reprise de Monsieur Lune, et on va discuter avec lui justement de ce bel album qui va sortir à la fin du mois de juin. Bonjour Monsieur Lune. Bonjour. Bienvenue avec nous sur le 96.2. Ça te tenait vraiment à cœur cet album parce que c'est des reprises. Alors je suppose que c'est un chanteur que tu affectionnes très particulièrement. Bah oui, c'est Renaud. C'est Renaud. J'écoute ça depuis petit. Bon, donc oui, ça me tenait à cœur. C'était important pour moi de faire un album et puis d'essayer de rendre ces chansons. De me les approprier, je voulais pas faire d'imitation, voilà, je voulais essayer de les réinventer. Voilà, tu as réinventé les chansons à ta manière. Est-ce que ça a été facile justement d'écouter ce genre de chansons, de musique et de ne pas copier pour ne pas faire justement de copier-coller ou d'imitation de Renaud? Bah, je sais pas si de fait, effectivement, je les avais beaucoup écoutés quand j'étais petit. Ma famille avait travaillé avec Renaud, donc j'avais tous ces disques à la maison. Mais à partir du moment où j'ai décidé de les reprendre, j'ai arrêté de les écouter, les connaissant déjà quand même très bien. J'ai repris juste la base essentielle de la chanson, juste les mélodies et les paroles. Et j'ai arrêté d'écouter les versions originales, je les ai rechantées par voix en essayant vraiment de me les approprier et en oubliant complètement les versions originales. Et pareil, quand on a orchestré des morceaux avec les musiciens, notre objectif était à chaque fois, dès qu'on sentait qu'on se rapprocherait trop de la version originale, hop, on diminuait la chanson dans une autre. Et alors, est-ce que ça n'a pas été trop difficile de choisir justement, parce que Renaud, il y a quand même des dizaines et des dizaines de chansons, d'essayer de se bloquer en disant voilà, celle-là je l'aime, il faut faire un choix. Alors, est-ce que voilà, ça n'a pas été trop difficile? Non, pas vraiment, le choix il s'est fait assez naturellement. Moi j'avais fait une présélection d'une vingtaine de 20-25 chansons qui correspondaient plus à la période justement où ma mère avait travaillé avec lui, c'est-à-dire du milieu des années 70 jusqu'à à peu près 85. Elle était son attachée de presse, pardon? Oui, elle avait été à l'époque son attachée de presse pendant 5-6 ans, je pense. Et à la même époque, mon beau-père aussi avait aussi fait une de ses pochettes d'albums, était photographe et avait fait la pochette de l'album à l'Olympia pour moi tout seul. D'où le nom de mon disque d'ailleurs, un Renaud pour moi tout seul. Et d'ailleurs, la photo de moi enfant a été aussi faite par mon beau-père. Donc il y avait tout ce storytelling, comme on dit un petit peu, qui comme une excuse pour... pas d'excuses pour ne pas chanter Renaud. Mais pour en revenir aux chansons, en tout cas, c'est vrai que j'ai pris cette période-là et après, c'est en répétition, en les testant, voyez si ça marchait. J'ai complètement éloigné toutes les chansons qui étaient trop personnelles. Les gros tubes, trop personnels, quand je veux dire Morgane de toi, Mistral gagnant, ou Il pleut, c'est-à-dire quand il parle vraiment de sa vie de famille et de son histoire personnelle. Je suis allé vraiment plus du côté des écritures des chansons un peu plus sociétales et sociales, voilà. Lui suit votre carrière de près, de loin? Moi je suis en contact avec son frère, donc je lui envoie pour les histoires d'autorisation et tout ça, il me dit qu'il est ravi, mais après j'avoue que le Renaud est très occupé, donc et puis c'est vrai que c'est pas ma priorité. Moi je trouve ça surtout marrant j'avais envie de faire ce disque, mais qu'il écoute ou qu'il écoute pas, alors bien sûr je peux vous dire que je serais pas content qu'il apprécie et qu'il écoute, mais ce qui m'intéresse chez Renaud c'est surtout ses chansons au-delà de l'homme. Quel souvenir vous gardez enfant de l'avoir côtoyé comme ça? Quand j'étais petit, j'en avais un peu rien à faire, parce que j'étais petit, c'est vrai que ça m'intéressait pas trop, j'avais surtout envie d'être avec mes parents. Mes parents travaillaient beaucoup, vu que c'était dans le spectacle. Maintenant, le souvenir le plus marquant que j'ai, c'est que quand ma mère m'avait emmené au Zénith le voir, et puis je me retrouvais dans sa loge en train de lui faire signer des photos de lui pour que j'aille les donner à mes potes, je trouvais ça drôle. Après, c'était un peu une icône, hein. C'était quelqu'un que je voyais de loin, qui était dans le boulot professionnel de mes parents. Et comme il y avait beaucoup de célébrités à la maison, c'est vrai que j'y accordais peut-être moins d'importance que quelqu'un qui n'est pas dans le milieu. Bien sûr, ça faisait partie de votre vie, mais le plus naturellement du monde, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Après, quand on est gamin, parce que ma mère a arrêté de travailler pour lui, j'avais à peine 10 ans, donc c'est vrai que ça remonte pas loin, quand même. Alors, Monsieur Lune, on peut le dire aussi, il y a eu d'autres albums avant cet album, là, qui vient de sortir. Ouais. C'est le 5e album, je crois. Si je compte bien, 5e ou 6e, je sais plus. Mais avant, effectivement, c'était que mes chansons. C'est la première fois que je fais un album de reprise. Voilà, c'était que des chansons originales que tu as composées. Et alors, voilà. Les toutes première, quelles sont tes influences? Parce que là, c'est de la reprise, donc à ton interprétation à toi. Mais Monsieur Lune, à la base, c'est à quoi ça correspond si on dit je vais aller écouter un concert de Monsieur Lune? Est-ce qu'il y a de la reprise de Renaud? Là, sur mon nouveau spectacle, Renaud pour moi tout seul, oui, mais sinon, c'est que mes chansons. Je vous le disais, comme mes parents ont travaillé pas mal dans la musique, mon beau-père ayant son labo photo sous la scène de l'Olympia à Paris, celle assez célèbre à Paris, c'est vrai que il a fait énormément de pochettes d'albums, de Ferré, de Barbara, de Lavillier, de Nougaro. Donc j'ai évidemment été beaucoup baigné par la chanson. Donc moi, ce que je fais, c'est de la chanson. Je chante en français. J'aime bien dans les chansons des formats de chansons assez simples, couplet-refrain. Donc c'est vrai que si on veut écouter Monsieur Lune, une chanson, c'est, je dirais que c'est de la chanson classique. Après, j'essaye d'y apporter en termes d'écriture, de mélodie, de phrasé, d'orchestration, une originalité, parce que l'objectif, encore une fois, c'est pas de faire de l'imitation, que ce soit en faisant des reprises ou en faisant ses propres chansons. L'important, c'est d'être soi-même. Eh bien, moi, je propose un extrait donc de Monsieur Lune. Reviens pas, pourquoi pas? Bah oui, carrément. Eh bien, on y va sur le 96.2 Arc-en-ciel. Reviens pas, ses yeux qui pleurent sont pas pour toi. Reviens pas, je ne veux plus mourir dans tes bras. Reviens pas, t'es bien plus belle quand t'es pas là. Reviens pas. Pourquoi ces larmes? La fin du monde est encore loin. Regarde le ciel, y'a rien qui tombe, rien qui vient. T'as pas d'enfant en bas des seins pour te sauver de princes charmants sur ce balcon pour te sauter. C'est toi qui pleures, c'est beaucoup mieux. Ne change rien, je me laisse plus prendre par la pitié ou par tes seins. Tu te sens seul, faut pas s'en faire, on s'habitue. Une vie toute seule, ça dure jamais grâce à son cul. Quand tu pleures, tout le monde s'en fout, mais tu pleures. Quand tu pleures, tout le monde s'en fout. Reviens pas, ces yeux qui pleurent sont pas pour toi. J'ai pas souffert, je veux pas souffrir, c'est normal, je sais bien faire. Quitte à quitter, autant faire mal comme mon père, comme tous les autres qui s'enfuient, je préfère. Et donc, reviens pas, Monsieur Lune, donc un extrait d'un des albums que tu as sorti. Et puis, il y a de l'activité aussi, de la musique pour les jeunes, Émilie. Oui, oui, je voulais parler de vos concerts jeunes publics, parce que c'est très intéressant. Dites-nous un mot sur ces créations-là. Alors, j'ai fait, en 2011-12, j'ai écrit un livre avec un ami qui s'appelait un livre-disque, l'incroyable histoire de Gaston et Lucie. Mm-hmm. C'est un conte musical qui mélange des passages parlés, bande son cinématographique, des chansons qu'on a adaptées sur scène et sur lesquelles on diffuse. On va jouer d'ailleurs, par exemple, chez vous, Gaston et Lucie, à la passerelle, je crois, à Fleury-les-Aubrais. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, la salle. Et donc, c'est le spectacle mélange des dessins animés, une bande son cinématographique sur laquelle j'ai invité des chanteurs, des amis chanteurs. Là, sur Gaston et Lucie, il y avait Yves Amon, Oldelaf, Ben Ricourt, etc. C'est des gens que j'ai appelés sur la bande-son, qui sur le disque chantent les chansons, et sur scène, c'est moi qui chante les chansons avec les musiciens, intercalés donc avec une histoire, une bande-son cinématographique et des dessins animés. D'accord, ça, c'est sorti il y a 3 ans. Sur les spectacles jeunes publics, vous êtes sur scène et les musiciens aussi, en live, avec en fond un écran géant et le dessin animé qui défile. Et là, je ressors un nouveau au mois d'octobre qui s'appelle Le Dernier Jour, et c'est le même principe, exactement le même principe. C'était un livre-disque qui devient un spectacle, et par contre, j'ai invité des nouvelles personnes. Là, il y a Pascal Légitimus qui fait le narrateur, Alexis HK, Barcella, Oldelaf, Gérald Gentil, Karim Mouche. Le Dernier Jour partira ensuite en tournée, j'imagine. Ouais, on a déjà commencé, on a déjà fait une quinzaine de dates, et à partir d'octobre, là, on a une cinquantaine de concerts prévus à partir d'octobre, en parallèle, et comme j'ai les mêmes musiciens, en fait, sur Gaston, Lucie, sur Renaud, ou sur Le Dernier Jour, ça nous permet de jouer partout, un petit peu partout, et d'intervertir les spectacles en fonction des lieux, en fonction des envies des salles. Bien sûr, est-ce que vous serez du côté du Loiret dans les mois à venir? Alors, j'ai pas les dates en tête, parce qu'il y en a beaucoup, mais je suis sûr qu'on viendra bientôt. J'espère qu'on pourra revenir à la passerelle, c'est une très belle salle. Et les Gaston Lucie avaient été très très bien accueillis, j'en suis un très bon souvenir. On est beau, on est bien habillé, on est poli, alors la vie est belle. On le sait, parce que Gaston est là, sa tête de pioche, écrasée par une pelle. Pelle, il est temps de rentrer chez toi, toi qui n'as pas une tête qui fait merveille, et chez toi. Vois, c'est juste là, dans cette cage, cette jolie poupelle, belle. Un toit, il n'en a pas le pauvre. La nuit peut-être, il pense à ceux qui ne se moquent pas. Ah, ouais. Monsieur Lune, un album en écriture en ce moment ? Alors là, bah, je termine l'enregistrement du dernier jour, justement, du livre disque. Donc on est en train de mixer. D'accord. Et c'est cet été que je vais écrire les chansons de mon prochain album que je compte sortir en 2019. Et donc la sortie de l'album avec donc ta voix qui reprend ces morceaux que tu affectionnes de Renaud à partir donc du 23 alors. Voilà, exactement, 23 juin. Et effectivement, on fête la date de la sortie à Paris, le 17 juin au Café de la Danse, pour jouer en live à toutes ces chansons, vu qu'à l'origine c'était un projet de live plus qu'un projet de disque. C'était vraiment un spectacle qu'on a ensuite mis sur disque, mais le début était vraiment une volonté de le jouer sur scène. Juste avant que les satellites nous coupent de Monsieur Lune, pour ne pas faire de jeu de mots, nous étions en train de parler de votre spectacle Jeune Public le dernier jour, qui a commencé sa tournée puis qui poursuivra en octobre avec de nombreuses dates, et un livre audio, c'est ça qui... C'est un livre disque, exactement. C'est à peu près 45 minutes. C'est un livre de 75 pages en couleur, hyper joli, et un disque à la fin qui raconte toute l'histoire. Avec un CD, le CD qui va avec ça. Ce livre-là sortira quand ? Je dirais un peu avant les fêtes de Noël, disons fin octobre, début novembre. Ok, en fin d'année. On n'a pas la date précise, mais ça va en fin d'année, voilà. Et on retrouve toutes les dates sur vos pages Facebook et site internet. Oui, voilà. On est en train de créer le site du dernier jour qui n'est pas en fait, mais ça arrive. Très bien, bravo. Un petit morceau à faire découvrir aux auditeurs que tu as envie de mettre, qu'on n'écoute pas souvent en radio, monsieur. Fais-toi plaisir, justement. Un morceau de moi ? Ah bah oui, tant qu'à faire, de toi ou une reprise de Renaud. Non, bah alors de moi, tiens, on a qu'à mettre une chanson, je sais pas si vous l'avez sous la main. On va essayer de chercher, Ouais, je sais pas, une chanson que j'aime bien qui s'appelle J'attends, que j'ai fait dans mon dernier EP qui est sorti en 2015. Si vous êtes sur les réseaux comme ça s'appelle J'attends. C'est une chanson que j'aime bien, que j'ai faite, que je chante encore de temps en temps sur scène. C'est une chanson peut-être qui est moins narrative justement que les chansons de Renaud, qui raconte vraiment une histoire. Là, c'était plus une volonté d'écrire quelque chose sur un petit peu comment est la vie, pourquoi. C'était un peu en rapport avec une fille aussi. La chanson dit J'attends une autre fille que toi. C'est des histoires d'amour qui ratent puis qui reviennent, etc. Moi, c'est vrai que c'est des sujets qui m'intéressent, alors j'essaie de le mettre en chanson, sans doute pour que les gens se sentent aussi un petit peu concernés. Et puis j'ai l'impression qu'une chanson, à chaque fois, chacun a sa propre histoire avec la chanson, alors je me dis que ça peut être cool que les gens, quand ils l'écoutent, ils aient une histoire aussi avec celle-là. Se l'approprier finalement, un peu comme vous vous êtes approprié vous-même les titres de Renaud. Chacun chante à sa façon et avec sa propre histoire. C'est ça. Sinon, mettez la teigne de Renaud, la teigne, elle est bien la version. J'aime beaucoup aller courses, elle est bien, elle est très sympa. Et j'en ai fait un clip en plus que les gens peuvent aller voir parce que le clip est sorti aujourd'hui. C'est la première fois que je me suis autorisé à être réalisateur et j'ai fait un clip de sa chanson qui s'appelle La Teigne et je la trouve très bien. Donc si vous l'avez sous la main plus facilement vu qu'il est sur le disque de Renaud, n'hésitez pas, ça me fera autant plaisir que la mienne. Et bien La Teigne tout de suite sur Radio Arc-en-Ciel avec Monsieur Lune. L'été bâti comme un moineau qu'aurait été malade, à la bouche derrière son mégot y avait des gros mots en cascade. L'été pas bien gros asticot, mais c'était une vraie boule de haine. On lui filait plein de noms d'oiseaux, même ceux qu'il connaissait qu'à peine l'appelait la teigne. Il avait pas connu ses vieux, il était de l'assistance. Ce genre d'école pour rendre joyeux, c'est pas exactement Byzance. D'ailleurs on lisait dans ses yeux, pour qu'il soit bien fallait qu'on le craigne. Si tu rentrais pas dans son jeu, putain ce que tu recevais comme beigne, c'était une teigne. Les michetons, l'été encore plus vache. Je te pique tes sous, je te fous des nions. Tu tombes amoureuse et je m'arrache. Pour sa petite gueule, ses points de béton, plus d'une se serait jetée à la Seine. Elle lui parlait amour, passion. Il répondait par des châtaignes. C'était une teigne. L'avait pas fêté ses 20 berges. Quand une nuit de novembre, on l'a retrouvée raide comme un cierge, pendue au beau milieu de sa chambre. Si un bon Dieu, une sainte vierge, pour qu'il accueille à leur enseigne. Parce qu'avant de passer sur l'autre berge, il m'avait dit personne ne m'aime, je suis qu'une pauvre teigne. fois j'y repense. Putain, eh bien oui, donc Monsieur Lune avec cette belle reprise de Renaud. Il s'agit de la Tanière. Monsieur Lune, eh bien, qu'on peut retrouver en concert et alors la fabrication du prochain album. Est-ce qu'il y aura d'autres reprises d'autres chanteurs que tu as découverts ou rencontrés par-ci par-là de tes rencontres musicales? Bah souvent sur mes disques, sur les précédents, sur l'album Il pleut déluge, là où on a écouté Reviens pas, j'avais fait une reprise de Léo Ferré qui s'appelait Monsieur William. J'avais repris un texte de Sacha Guitry, Balade en si bémol, sur un de mes albums qui s'appelait Déguisé en moi, que j'avais mis en musique avec une musique à moi. Et après ça dépend des envies. Si je trouve un titre qui, pour moi c'est important de faire une reprise, je trouve que c'est important qu'on puisse y apporter quelque chose et que ça soit quelque chose à soi. Si, encore une fois je me répète, mais si c'est pour faire de l'imitation, ça m'intéresse. Ça. Et donc des fois je trouve qu'une chanson est jolie, que la mélodie est bien, les mots sont bien, mais que peut-être l'orchestration a vieilli ou l'interprétation n'est pas à la hauteur. Donc là je me dis bien tiens faisons-la, essayons-la. Mais pour l'instant j'en ai pas sous la besace. Mais il y a beaucoup de chansons que j'aime bien. Et des complicités sur scène, c'est arrivé, ça peut arriver? Bah, disons qu'avec les spectacles pour enfants que je fais, effectivement, ça m'est arrivé de jouer le spectacle avec sur Gaston Lucie, avec Yves Jamais, avec Roldella, sur Gérald Gentil. Et le dernier jour, je pense, pour la sortie de l'album, je pense que je vais inviter tous les gens à venir chanter avec moi, raconter l'histoire avec Pascal Légitimus, Alexis HK, Marcella, Carrie Bush, Laura Cahen, qui est moins connue. Et je pense, je pense que je vais inviter tout le monde. J'espère même peut-être venir les faire venir à Paris chanter des chansons de Renaud avec moi. Ça pourrait être une idée rigolote. Très bien, vous viendrez nous annoncer ça sur Arc-en-Ciel. Ce serait le dernier jour qui rassemblerait tout le monde sur scène. Oui, ça serait formidable, ça, une date à Paris. En attendant, votre prochaine date à Paris, c'est au Café de la Danse le 17 juin. Où vous présenterez essentiellement le dernier album Un Renaud pour moi tout seul et peut-être d'autres titres. C'est juste le dernier. Je fais une chanson à moi dans ce spectacle, mais c'est vraiment un spectacle tourné autour d'un Renaud pour moi tout seul. Mais pour le coup, Café de la Danse, comme je vous le disais, j'ai la même équipe sur scène. Donc l'après-midi à 15h, je fais mon ancien spectacle jeune public, Gaston Lucie, et à 20h, Un Renaud pour moi tout seul. Ce qui me permet de faire des économies d'échelle, comme on dit. Puis comme ça, il y en a pour tous les âges, toute la journée et toute la soirée. Voilà. Votre album Un Renaud pour moi tout seul sortira le 23 juin. Eh bien, un grand merci à toi, monsieur Lune, bon courage pour la tournée, parce qu'il en faut pour l'été là. Et puis dès que ça sort les nouveautés, t'hésites pas, tu nous envoies tout ça. Bien sûr, je n'y manquerai pas. Merci encore. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.